أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيها الناس أو جان فقد جاء عند الإمام مسلم في صحيحه عليه رحمة الله عن أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي عليه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال Il est apparu dans le recueil authentique de l'imam muslim عليه رحمة الله un hadith d'après Abi Yahya صهيب بن سنان le romain que le prophète عليه الصلاة والسلام a dit عجبا لأمر المؤمن qu'est étonnante l'affaire du croyant إن أمره كله له خير et certes toute son affaire est pour lui un bien وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن et ce mérite ne touche aucune autre personne à l'exception du croyant. In asabathu sarra shakar fa kana khayran lah. Si un quelconque bonheur le touche, il remercie et ceci est un bien pour lui. Wa in asabathu darra fa sabar fa kana khayran lah. Et si un quelconque mal le touche, il fait preuve de patience et ceci est un bien pour lui. ونذير ذلك قوله تعالى Et en comparaison à cela, la parole d'Allah Azza wa Jal وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Certes, nous allons vous éprouver par un peu de peur, ainsi que de la faim, et une diminution dans vos biens, ainsi que dans vos personnes, et une diminution de vos fruits. Mais fais la bonne annonce à ceux qui font preuve de patience. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. Ceux qui, lorsqu'un malheur les touche, disent: certes, nous appartenons à Allah Azza wa Jal, et c'est vers lui que nous lui ferons retour. أولئك عليهم صلوات من ربهم. Ceux-là hériteront donc ou bénéficieront donc de l'éloge de leur Seigneur, wa rahmatun, ainsi qu'une miséricorde, wa ulaika humul muhtadun, et ceux-là sont certes les bien guidés. Wa yaqulu an-nabiyyu alayhi salatu wa salam kama jaa 'inda al-imam at-tirmidhi min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme cela est venu dans le recueil de l'imam at-tirmidhi d'après un hadith de Anas ibn Malik, inna 'idham al-bala ou inna 'idham al-jaza ma'a 'idham al-bala. Et certes, la grande récompense est en fonction de la grande épreuve. Wa inna Allah idha ahabba qawman ibtalahum faman radiya falahu ar-ridha wa man sakhata falahu as-sakhat. Et certes, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il aime un peuple, il l'éprouve. Et celui qui fait preuve d'agrément lors de l'épreuve, Allah subhanahu wa ta'ala l'agrée. Et celui qui fait preuve de mécontentement envers le décret d'Allah azza wa jal, Allah subhanahu wa ta'ala se trouve envers lui mécontent. فكل هذه الأدلة اجتملت على توطين وتسلية نفوس المؤمنين على المصائب قبل وقوعها. Et donc toutes ces preuves que nous venons de citer sous-entendent et comprennent un apaisement ainsi qu'une préparation pour les âmes des croyants face aux différents malheurs avant qu'ils ne surviennent. لتخف وتسهل عنهم أو عليهم بعد وقوعها, afin que cela les allège ou allège leur souffrance et leur facilite la réussite de cette épreuve après que يعني, les malheurs les touchent. نعم. ألا وإن من أعظم الفتن والمحن التي قدرها الله على هذه الأمة لا سيما في عصرنا هذا فتنة السحر. Et certes, fait partie des plus grandes épreuves qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété à cette communauté et surtout à notre époque, l'épreuve de la sorcellerie. فكاد أن لا يوجد بيت من بيوت المسلمين إلا والمصاب بالسحر فيه. Et il se peut que l'on ne trouve pas une demeure, une maison parmi les maisons et les demeures des musulmans sans que l'on ne trouve en son sein une personne touchée par la sorcellerie. وَالسِّحْرُ عِبَارَةٌ عَنْ عَزَائِمِ وَعُقَدْ وَرُقَى. Et le sihr n'est autre que l'exorcisme qui se pratique soit avec des incantations non légiférées ou soit en faisant des nœuds. يُؤَثِرُ عَلَى بَدَنِي الْمَسْحُورِ. Et cela a un impact sur le corps de la personne ensorcelée. بِالْقَتْلِ أَوْ الْمَرَضِ أَوْ بِإِخْلَالِ عَقْلِهِ. Et ceci peut entraîner soit la mort, soit la maladie ou soit la perte de raison. أَوْ يُفَرِّقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ. Et la sorcellerie peut aussi séparer entre les deux époux et faire d'autres choses. وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى أَنَّ السِّحْرِ بِجَمِيعِ أَنْوَاعِهِ كُفْرٌ أَكْبَرٌ مُخْرِجٌ مِنَ الْمِلَّةِ. Et la plupart des savants sont de l'avis que la sorcellerie, peu importe de quelle sorte elle est, c'est un acte qui fait sortir son auteur de la religion. Et ceci est pris de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'il dit: وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِيلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. Et les deux êtres qui se sont présentés aux gens avec la sorcellerie ne leur ont enseigné la sorcellerie si ce n'est après leur avoir dit: certes, nous sommes pour vous une tentation, ne m'y croyez donc pas. Et c'est de là que les savants ont pris que le sihr bi jami'i anwa'ihi kufrun. Wa kadhalika li hadithi Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu alladhi rawahu l'imam Ahmad wa Abu Dawud bi sanadin hasan. Et aussi en s'appuyant sur le hadith de Abdullah ibn Mas'ud qu'a rapporté l'imam Ahmad ainsi que l'imam Abu Dawud selon une chaîne de transmission jugée bonne, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: inna ar-ruqa wat-tama'ima wat-tiwalat ash-shirk. Certes, le prophète a dit: les incantations, c'est-à-dire celles qui sont non légiférées, ainsi que le port d'amulettes, et ainsi que la sorcellerie visant à faire aimer la femme de son mari et vice-versa, tout cela fait partie du shirk. Tout cela fait partie du shirk. Naam. Donc, le sorcier n'est autre qu'un mécréant qui ne fait pas partie de cette religion. Wa kadhalika man yataraddadu ilayhi li qasd as-sihr. Et aussi prend le même jugement celui qui se rend chez le sorcier afin qu'il pratique pour lui de la sorcellerie. Wa hadha ma'khudh min hadith an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an Imran ibn Hussein. Et ceci a été pris du hadith du prophète alayhi salatu wa salam qu'a rapporté Imran ibn Hussein, an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit: laysa minna. Le prophète sallam a dit: certes, ne fait pas partie de nous man tatayyara aw tutayyara lah, celui qui croit aux augures ou qui ordonne de croire aux augures. Wa man takahana aw tukuhina lah aw sahara aw suhira lah. Et celui qui pratique la magie ou qui ordonne que la magie soit pratiquée, ou celui qui pratique la sorcellerie ou qui ordonne que la sorcellerie soit pratiquée. Thumma qala wa man ata kahinan fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Et ensuite le prophète sallam a dit: et celui qui vient chez le devin et qui le croit a certes mécru en ce qui a été révélé à Mohammed, c'est-à-dire il a mécru au Coran. Wa hadha hadith rawahu al-Bazzar bi sanadin hasan. Na'am. Fa as-sihr wa man ya'ti ilayh yakfur billahi 'azza wa jalla. Donc as-sahir wa man ya'ti ilayh yakfurani billahi 'azza wa jalla. Donc le sorcier est celui qui vient le voir mécroyant Allah azza wa jal. فَلِهَذَا كَانَ السِّحْرِ مِنَ الْمُهْلِكَاتِ. Et c'est pourquoi, et c'est par ce genre de choses que le sihr fait partie des grandes causes de la destruction pour son auteur. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. Comme le prophète صلى الله عليه وسلم l'a dit dans un hadith de Abi Huraira: اجتنبوا سبع المبيقات. Éloignez-vous des sept destructrices. فقيل وما هن يا رسول الله. Et ils demandèrent donc au prophète: et quelles sont ces sept destructrices? فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك ثم ذكر السحر. Et donc le prophète صلى الله عليه وسلم a répondu au sujet de ces sept destructrices qu'il s'agit de l'association le shirk, et ensuite il a évoqué la sorcellerie. فليتق الله من كان ذلك حاله. Donc que craigne Allah Azza wa Jal celui qui tombe dans ce genre de péché. وَلْيَتُوبِ لَاللَّهِ عَزَّ وَجَلْ قبل أن يحول بينه وبين التوبة عذاب شديد ونكال عظيم في هذه الدنيا وفي الآخرة أشق. Et donc que se repente à Allah Azza wa Jal celui qui tombe dans ce genre de péché avant que ne s'interpose entre lui et la demande de pardon un douloureux châtiment dans ce bas monde et encore plus dur dans l'au-delà. فإن الساحر ومن يأتي إليه وقع على وجهه الخسارة مهما توجه. Et certes, le sorcier et celui qui vient le voir a sur lui le signe de la perdition, peu importe où il va. وهذا مأخوذ من قوله تعالى. Et ceci est pris de la parole d'Allah Azza wa Jal. ولا يفلح الساحر حيث أتى. Et certes, le sorcier ne réussira donc pas, peu importe là où il va. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد عليه الصلاة والسلام. أما بعد فانطلاقا من ذلك المنطلق نحث جميع من أصيب بالسحر من إخواننا المؤمنين الصالحين وأخواتنا الفاضلات الطيبات بالصبر والاحتساب. Et donc, en partant de ce que nous venons d'évoquer, nous encourageons toute personne touchée par la sorcellerie parmi nos frères ou nos sœurs de faire preuve de patience. وهذه نصيحة نبي الله وكليمه موسى بن إمران عليه السلام. Et ceci n'est autre que le conseil de Moussa عليه الصلاة والسلام لقومه, pour son peuple. قال الله سبحانه وتعالى قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. Et Moussa a dit à son peuple, recherchez l'aide d'Allah Azza wa Jal et faites preuve de patience, car certes la terre tout entière appartient à Allah Azza wa Jal et il l'a fait hériter à qui il veut, et certes la noble fin et la bonne fin n'est autre que pour le pieux, la personne pieuse. Naam. Fa al-aqibatu lil-muttaqin wa hadha wa'dun min Allah 'azza wa jalla an al-aqibata lil-muttaqin la ghayr. Et ceci est une promesse d'Allah 'azza wa jalla que la bonne fin est pour les gens pieux. Naam. Wa Allah subhanahu wa ta'ala yaqul. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ala inna lillahi ma fi as-samawati wal-ard ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. Et certes, tout ce qui se trouve dans les cieux et la terre appartient à Allah Azza wa Jal. Et certes, la promesse d'Allah est vérité. Et certes, la promesse d'Allah est vérité. Mais malheureusement, la plupart d'entre eux ne le savent pas. هو يحيي ويميت وإليه ترجعون. Et c'est lui qui fait vivre et qui fait mourir. Et c'est vers lui que vous reviendrez. فمن قتل متأثرا بالسحر بعد أن كان رجلا صالحا محبا للخير مدافعا عنه وقوالا بالحق فإننا نقول إلى الله قد رجع والله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين. نعم. Donc celui qui viendrait à trouver la mort suite aux effets de la sorcellerie après avoir été un homme pieux, cette personne-là, nous disons que c'est à Allah qu'elle est revenue. Naam. Wa na'taqidu i'tiqadan jaziman insha Allah annahu min khirati ash-shuhada'i 'ala wajhi al-ard. Et on a la ferme conviction que cette personne-là insha Allah, elle fait partie des meilleurs des martyrs. Li qawli an-nabi sallallahu alayhi wa sallam man قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد ومن قتل دون دمه فهو شهيد. نعم. Et ceci en vue de la parole d'Allah, de la parole du prophète عليه الصلاة والسلام, que celui qui est tué pour défendre son, en défendant son, ses biens est martyr. Celui qui est tué en défendant sa famille est certes un martyr. Et celui qui est tué en défendant sa propre personne est certes un martyr. Wa fi riwayatin man qutila duna madhlamatihi fa huwa shahid. Et dans une version, celui qui est tué après celui qui est tué en défendant en se défendant d'une quelconque injustice est certes martyr. Fa na'am ya ibadallah. Wa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam yaqul ashaddu an-nas bala'an al-anbiya thumma al-amthal fa al-amthal. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit les plus éprouvés des gens ne sont autres que les prophètes et ensuite ceux qui s'y affilient, c'est-à-dire ceux qui les suivent. Na'am wa qad suhira alayhi salatu wassalam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes été ensorcelé. Wa huwa sayyidu waladi Adam, alors que c'est lui le maître des enfants de Adam. Wa qad suhirat Hafsatu bint al-Farouq Umar radiyallahu anhuma wa zawjat Khalilillah wa nabiyyih Muhammad alayhi salatu wassalam. Même la femme du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Hafsa, qui est la fille de Umar, a été aussi éprouvée de la sorcellerie. Na'am, kullu dhalika bayanan ala anna Allah idha ibtala 'abdahu bi shay'in min dhalik laysa li ihanatihi. Et ceci afin de confirmer que Allah subhanahu wa ta'ala, s'il éprouve son serviteur par une quelconque chose de, yani, provenant de cela, c'est-à-dire de la sorcellerie, ceci n'est pas pour l'humilier. Batatan. Innama dhalika. Mais ceci ne dépend que d'une chose. Kama qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ajaban li amri al-mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Falhamdulillahi rabbil alamin.